qu'on retrouvera le long du fleuve, qu'on appelle le fleuve noir. On retrouva son corps, tout découpé et dépecé. Personne ne sut jamais qui avait pu faire ça. Tout découpé et dépecé. Tout découpé et dépecé. On retrouva une jambe. On retrouva un pied. On retrouva un tronc. Tout découpé et dépecé. Tout découpé et dépecé. Cette histoire, l'histoire du petit Kevin, qu'on retrouva son corps dans une banlieue maudite où règne la mort et l'ennui, banlieue de Montigny. Jamais vivre dans les villes de moins de 4000 habitants où règne la mort et l'ennui. Où règne la mort et l'ennui. On retrouvera une chambre. On retrouvera une main. On retrouvera un tronc. La petite Carrie qu'on retrouva découpée, tout découpé, dépecé, tout découpé, dépecé, tout découpé, dépecé. Dans les villes de moins de 4000 habitants, où règne la mort et l'ennui, où règne la peur et l'ennui. Les villes de moins de 4000 habitants, les villes de moins de 4000 habitants, où règne la mort.